C'est notre danse, c'est la dernière danse qui me prend très de romance. Regarde sur mon visage rouler des larmes remplies de souvenirs. Ce soir, sur mon corsage, la vague à l'âme vient de m'envahir. Rappelle-toi notre tango d'amour. On l'a dansé quand on s'est rencontrés. La première fois jusqu'au le temps efface, même la plus belle trace, comme la buée sur une glace. Ce soir, il y a le voile qui nous sépare et qu'on ne peut franchir. Ce soir, ma main froide, il est trop tard pour changer l'avenir. Quên sẽ đêm đó anh, đêm khiêu vũ bên anh, đêm tango kết sẽ duyên đôi mình. Anh yêu, mắt em lại rơi đầy, nỗi vui nào hơn kỷ niệm quen nhau biến thành anh phú. Anh yêu, như trong tình đêm đầu, đó đây ngủ yên suối lệ hồn em rớt lên đời nhau. Kỷ niệm còn đây, chọn bên nhau cho đời nắng lên bình minh. Trắng đêm vũ trường em có anh. C'est sur ce tango que j'aime souvenir. Et sur ce tango notre histoire.